L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Ahmed Madani, vous êtes auteur et metteur en scène d'une pièce qui sera présentée très prochainement à l'apostrophe, à Cergy-Pontoise, au Théâtre 95 pour être plus précis, salle Visconti. Il s'agit de la pièce « Flamme ». Flamme où l'on peut phonétiquement lire également « femme ». C'est bien ça ? Absolument, oui. Le L est entre parenthèses. Donc c'est un peu une espèce de jeu graphique sur l'écriture du mot flamme qui évoque le feu et puis qui sous-entend aussi la force volcanique de la féminité. Votre travail depuis, je crois, plus d'une vingtaine d'années maintenant, au moment où vous avez créé votre compagnie et le collectif d'artistes autour de vous, l'objectif que vous étiez fixé à l'époque, réaliser un théâtre d'art poétique et populaire fondé sur le rapport au sociétal. Aujourd'hui, cette pièce, comme les précédentes, sont précisément sur cet objectif que vous étiez déjà fixé il y a plus de 20 ans. Oui, absolument. C'est-à-dire que dans ce parcours artistique, il y a eu des moments où, je gardais l'esprit de ce projet vivace dans mon esprit, mais pas forcément dans la réalisation des spectacles. Et puis donc depuis 2012, je me suis vraiment engagé sur un retour, sur une action artistique en prise réellement sur les réalités sociales, et notamment sur la jeunesse dans les quartiers populaires. Oui, avec l'idée d'aller au-delà, de faire entendre par la voix du théâtre, de faire entendre une parole trop souvent confisquée, on peut le vérifier encore aujourd'hui, et pas seulement une parole confisquée, souvent une jeunesse en quête d'identité et de reconnaissance également. Absolument, oui. Une jeunesse qui ne sait toujours pas très bien où se situer, qui a encore des liens très forts avec la culture des familles qui ont été délocalisées par l'histoire et qui reste très attachée aussi à son enracinement dans la francité d'aujourd'hui. Donc avec ce qu'on pourrait appeler une double culture, mais pas réellement une double culture, parce que la plupart de cette jeunesse n'a pas connaissance vraiment à fond de la culture parentale et du pays dont les parents sont issus, et donc qui a quand même encore beaucoup en interrogation et qui a quand même une soif de vivre, une soif de se réaliser et qui se projette fortement dans l'avenir. La matière première, si j'ose parler ainsi, de ce travail et de cette création, c'est les jeunes femmes dont il est question, une dizaine de jeunes femmes sur scène, où le principe du spectacle, c'est de leur donner la parole. Alors, il y a eu d'abord la phase dans la création, la phase du travail d'écriture, car je rappelle que vous êtes auteur, mais il y a eu un travail d'écriture que vous avez qualifié d'organique. Vous pouvez vous expliquer ? Oui, tout à fait. Alors, organique dans le sens où il est totalement lié à l'intimité des personnes présentes sur cette scène, un peu comme si c'était un organe, une partie de leur chair, de leur âme, qui pouvait s'exprimer enfin sur ce plateau et qui allait dépasser les visions un peu simplificatrices qu'on peut avoir de cette jeunesse ou même de la question de la féminité quand on peut être par exemple un homme, on n'y comprend pas grand-chose à ces jeunes femmes. Et là, sur ce plateau, elles expriment à la fois leur originalité, leur sensibilité de jeunes filles qui ont des parts culturelles différentes d'autres jeunes femmes, disons plus blanches entre guillemets, et puis aussi leur force, leur vitalité, leur désir d'engagement qui prend racine dans leur cœur. Alors vous parlez d'écriture organique, de récit choral qui mêle à la fois les histoires intimes et aussi les histoires de l'immigration, les mémoires individuelles et collectives. C'est donc tous les sujets, j'imagine, sont plutôt nombreux, évoqués au travers d'une pièce et d'une création comme celle-ci. Il a fallu trouver une unité, une dramaturgie. Absolument. Et donc le principe était de réaliser une œuvre qui soit ouverte, qui soit généreuse, qui soit dynamique, et qui est une espèce de force comme ça, de sensibilité, parce que les personnes, les personnages qui sont sur la scène, dans le fond, nous délivrent leur humanité profonde. Mmh. Et à ce moment-là, on n'est plus forcément sur des questions de catégorisation de telle ou telle personne de la société, mais sur une réflexion du sens de notre humanité. Donc il y a un échange qui est extrêmement original avec le public, c'est qu'il y a un mécanisme de la reconnaissance et de l'empathie qui peut naître du procédé d'écriture, du procédé de réalisation, et qui fait que, dans le fond, dans ces jeunes femmes, les hommes qui les regardent, les femmes qui les regardent, qui ne sont pas forcément semblables à elles, se reconnaissent quand même pourtant dans leur récit et dans leur histoire. Quand on parle de la jeunesse aujourd'hui, filles et garçons, on se dit souvent qu'il y a une incapacité réelle à se projeter dans l'avenir. Il y a des difficultés insurmontables qui sont effectivement de plus en plus nombreuses. Tendance finalement à être dans la victimisation. Est-ce que ce spectacle va dans cette direction? En tout cas, il va pas du tout dans la direction de la victimisation, parce que franchement, c'est une étape qui maintenant commence à être dépassée par la jeunesse, qui souhaite quand même se prendre en main son destin, et qui a une espèce de foi en l'espérance d'un avenir meilleur. Ouais. Donc voilà, c'est ce que démontre ce spectacle, dans le fond. Il a quand même une force qui est d'ouverture, et puis de montrer que, dans le fond, les différences entre les êtres humains ne sont pas plus importantes que les ressemblances. Mmh. C'est surtout ça la question centrale de ce travail, de ce spectacle. C'est un spectacle qui est d'une générosité telle que, dans le fond, quand on est spectatrice ou spectateur, même si on ne connaît pas les mécanismes du théâtre, de ce que ça met en œuvre, le plaisir d'être dans la salle est extrêmement important. Mmh. Et il y a donc un échange qui est très puissant avec le public qui s'opère et qui est rassurant, qui est enthousiasmant. À la fin des représentations, c'est toujours absolument magnifique ce qui se passe. Alors les identités sont forcément multiples, les personnalités sont variées. 10 jeunes femmes, vous allez nous dire comment vous les avez choisies. Je crois qu'elles n'avaient aucune expérience de comédienne, c'est important au moment de la création. Depuis que cela est sur scène, forcément elles acquièrent une expérience. Et à la fois pour prendre la parole, pour jouer, pour danser, pour donner à entendre et à voir la vie de ces jeunes femmes dans toute la complexité possible de l'existence de chacun, de chacune. Oui, alors ce qui est passionnant, c'est le fait qu'elles ne soient pas professionnelles, qu'elles n'aient pas d'expérience professionnelle, leur permet, en tout cas, dans le rapport qu'elles ont à moi dans le travail, d'exposer une autre façon d'être sur un plateau. Et donc, c'est extrêmement passionnant. Ce ne sont pas non plus des amatrices, entre guillemets, hein, le terme noble de quelqu'un qui aimerait le théâtre particulièrement. Non, ce sont des jeunes femmes qui ont une grande expertise de leur vie, de leur histoire, de leur sensibilité. Et cette expertise, moi, elle m'intéresse énormément parce qu'elle est un enrichissement de mon projet artistique, puisqu'elle va remettre en question même mes a priori que je pourrais avoir, et puis elle va interroger la forme même du spectacle. Donc il y a quelque chose qui est absolument passionnant, qui se met à vibrer sur le plateau, c'est cette inexpérience, entre guillemets, du théâtre, mais une très grande expérience de la vie, et ça c'est très très très passionnant. Prise de parole, ça passe par la langue, par les mots, par le langage. Là, il est question, j'ai lu dans les intentions au moment de la création, de ne pas être dans une langue trop relâchée, mais bien au contraire, plutôt soutenue, poétique, voire même très écrite. Absolument. Donc ça, c'est tout le décalage et tout le travail qu'opère l'écriture, c'est-à-dire qu'il faut apporter de la distance et qu'il faut permettre aux interprètes de pouvoir incarner dans le fond une autre personne qu'elle-même tout en étant elle-même sur le plateau. Et ça, c'était le véritable enjeu de cette proposition artistique. C'est l'écriture qui amène la distance et qui amènera la dimension universelle du propos. Et donc du coup, bien sûr, moi je les ai observées, je les ai écoutées, elles m'ont raconté des choses, et puis à un moment donné, je me suis décalé par rapport à elles, et puis je suis revenu vers elles avec des textes qui parfois pouvaient correspondre à leur leur manière d'être ou de parler, mais en même temps, il y avait toujours quelque chose de plus que ce qu'elles ont dans le quotidien. Et c'est tout ce qu'on demande à l'art, c'est juste d'apporter ce petit plus de poésie, de beauté, et donc, dans le fond, de faciliter pour elles leur présence sur le plateau sans que ce soit une dimension documentaristique ou simplificatrice immédiate comme ça. J'ai bien saisi. Dans certains articles de presse, justement autour de cette langue et de la richesse des cultures, pas simplement vérifiées dans les banlieues, dans les quartiers sensibles, mais à l'image de notre pays, plus généralement aujourd'hui, on parle même d'émergence d'une parole afropéenne féminine au travers de ce spectacle. Alors ça, il y a tous ces propos qui sont un peu des commentaires sur le travail, et donc ça, je laisse la liberté aux auteurs de ces propos. En tout cas, moi, je serais beaucoup plus simple. C'est une parole humaniste. C'est une parole humaniste, universaliste, ouverte, et très généreuse, et qui permet, dans le fond, des identifications possibles. C'est-à-dire que l'afropéenne ou l'afropéen reste quand même très marqué par sa culture d'appartenance, de celle de ses parents et de sa famille, etc. Là, il y a quand même une mixité dans la culture qui est absolument passionnante, parce que ces jeunes femmes, elles sont doubles, elles sont triples, elles sont multiples. Et puis elles représentent aussi d'autres jeunes femmes qui ne sont pas forcément des jeunes femmes qui vivent dans les quartiers populaires, au contraire. Donc c'est une parole qui dépasse toutes ces catégorisations. Spectacle où vous avez eu aussi, vous êtes appuyé sur des collaborations artistiques comme celle d'un plasticien vidéaste. Alors Nicolas Clos, c'est un artiste extrêmement passionnant, parce qu'il a une œuvre très ouverte sur les autres. Et donc, dans cette aventure, il a pu développer une proposition qui s'appelle Endless Portrait, c'est-à-dire des portraits à l'infini, et qui est une façon de filmer sur quelques secondes une personne, et puis de laisser apparaître des choses qu'on ne voit pas quand on aurait un temps plus long. Donc c'est dans le détail, le côté minutieux. Et donc c'est une proposition extrêmement plastique, extrêmement visuelle, extrêmement forte, qui accompagne comme ça le propos artistique, et qui est, une manière d'amener une dimension presque onirique dans la proposition artistique, et puis de donner une force comme ça. On a ces visages qui apparaissent sur un écran gigantesque, et qui est un contrepoint du côté minuscule du personnage qui est sur le plateau. J'ai lu de nombreux échos dans la presse, positives pour soutenir ce spectacle, parmi lesquels Flamme est un spectacle d'utilité publique que tous les directeurs de théâtre devraient programmer, ou bien encore, puisqu'on parle en ce moment de Charlie Hebdo, c'est évidemment avec 3 ans après ce qui s'est passé dans cette rédaction, eh bien il est dit une démarche poétique pour entendre une expression féminine trop souvent spoliée d'une génération en quête de liberté et de reconnaissance. Cela va montre et démontre que vous avez atteint votre objectif. D'une certaine manière, oui, il y a quand même de vrais échos à la fois dans le public, des amateurs de théâtre qui vont régulièrement voir dans les salles de spectacle, et puis d'autres personnes qui sont amenés là par des amis, par des réseaux d'amitié, parce que le spectacle suscite un intérêt qui dépasse dans le fond l'idée d'un simple spectacle. Et c'est quelque chose qui est une espèce de rapport à la société, où du coup on parle un peu différemment de problématiques qui sont pas simples, qui sont délicates à aborder, qui sont troublantes. Et donc du coup la presse elle a relayé le spectacle dans ce sens, comme une œuvre positive, une œuvre d'ouverture, et une œuvre qui ouvre un dialogue aussi, mais aussi qui fait prendre conscience de toutes les barrières idéologiques qu'on peut avoir, qui nous traversent, et puis de tous les a priori. En fait, voilà, c'est un spectacle qui fracasse les a priori. J'ai lu dans le dossier de presse, ça sera la conclusion de notre échange, à l'occasion de la présentation de ce spectacle, eh bien, dans le dossier, on trouve deux citations, l'une d'Albert Camus et la deuxième d'Edward Bond, qui dit la chose suivante: « La jeunesse est devenue un nouveau continent et le théâtre n'a plus aucun objectif humain s'il ne parvient pas à le pénétrer, à l'exploiter. » Ça vous guide, ça vous inspire? Ah oui, absolument, absolument. C'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il y a un écho qui est fort de ce spectacle, c'est que la jeunesse y est représentée. Elles sont jeunes sur le plateau, donc au-delà de leur catégorie d'appartenance territoriale, etc. Ce sont d'abord des jeunes femmes. Et donc c'est cette jeunesse-là qui est sur ce plateau, c'est cette force, cette énergie, cette dynamique que les personnes plus âgées envient, mais en fait sont tellement heureuses aussi de les rencontrer, et que les jeunes reconnaissent immédiatement, parce que le succès, il a cet écho dans l'histoire de la jeunesse française, et c'est absolument formidable, parce que ben voilà, c'est une ouverture d'un art qui est peu fréquenté par la jeunesse. Je rappelle à nos auditeurs qu'il y aura deux occasions d'assister à ce spectacle, deux représentations, les mardis 16 et mercredi 17 janvier, c'est prochainement à 20h30, et qu'à l'issue de la première représentation, celle du 16 janvier, il y aura une rencontre avec l'équipe artistique, tout cela présenté à l'apostrophe, Théâtre 95, salle Visconti à Cergy, très prochainement. Mille merci à vous, Ahmed Madani. Merci beaucoup.